بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Aujourd'hui, inshallah, c'est le 39e cours. Et la semaine dernière, on était toujours en train de parler sur ce qu'on appelle l'Iman bil-Qadr, c'est-à-dire la croyance au destin, qui est le dernier pilier des piliers de la foi. الركن الأخير من أركان الإيمان. On a vu en détail tout ce qui concerne la foi au destin. Et la dernière question qu'on a traitée la semaine dernière, ou les deux dernières questions qu'on a traitées, premièrement, est-ce que les gens ont une volonté et une capacité à faire les choses? C'est-à-dire, est-ce que les gens, quand ils font ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils ont voulu le faire et qu'ils ont pu le faire, ou bien ils le font parce que c'est le qadar, ils sont forcés à le faire, ils n'ont pas le choix. Vous avez compris? Parce que quand on dit l'iman bil qadar, la croyance au destin, c'est-à-dire qu'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné kataba kulla shay, kataba kulla ma sayahsul sayaqa', il a écrit tout ce qui va se produire, tout ce qui va se passer. Est-ce que quand on dit qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va se passer, ça veut dire que on n'a pas le choix et on n'a pas la volonté? On n'a pas l'ikhtiyar? Non. On a le choix et la volonté. D'accord? Toi, quand tu es venu t'asseoir ici, tu es venu parce que tu as voulu. Tu es venu parce que tu as pu. Qadir. Ouais, Mourid, tu as voulu et tu as pu, c'est pour ça que tu es venu ici. D'accord? Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala qaddara laka an ta'ti ila hadha al-masjid. En même temps, Allah azza wa jalla, il a écrit, il t'a décrété, ou il a décrété que tu viennes à cet endroit, à cette mosquée. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu le fais ou tu le dis parce que tu as voulu le faire. Et tu as pu le faire. Donc, à travers cette question, on répond à une ambiguïté, naruddu ala shubha, qui est que on fait les choses et on n'a pas le choix. Là, tu as le choix. Si tu avais le choix, ou si tu n'avais pas le choix, limadha yuhasibuka Allah yawm al-qiyamah? Pourquoi Allah va te juger le jour du jugement dernier? La preuve que tu as le choix, c'est qu'Allah azza wa jalla va te juger le jugement dernier. Limadha fa'alta kadha? Pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu as dit telle chose? Pourquoi Allah va te poser ces questions-là si c'est lui qui t'a forcé à les faire? C'est compris? Donc, comme quand tu veux manger, tu choisis le plat que tu veux manger, et bien tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu choisis de le faire. Et tu as la volonté de le faire. Mais, ta volonté, elle ne dépasse pas la volonté d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toi, quand tu veux faire quelque chose, si Allah le veut, tu vas le faire. Et si Allah ne veut pas, tu vas le faire. Donc tu ne vas pas le faire. Tu as envie de venir à un dars, à la mosquée. Tu as l'envie et tu es capable de le faire. Allah Azza wa Jal, il t'a donné l'envie, il t'a donné la capacité. Si Allah le veut, tu vas concrétiser cette envie et cette capacité. Tu vas venir vraiment. Et si Allah ne le veut pas, tu ne vas pas venir même si tu as envie. Donc, on comprend que tu as le choix, mais en même temps, allez comme ça là, tu ne fais pas des choses sans qu'Allah ne le veuille. Ouais. C'est dans ça que ça se résume la question de la semaine dernière. Ensuite, il y a une question qui a été posée, donc dans ce même livre, qui est: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ يجي الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله qui est un grand savant, un très grand savant de l'islam, qui est mort dans la trentaine, pas loin de 35 ans. رحمه الله يجي الله عز وجل n'est-il pas capable de faire de tout le monde al-mu'minun, des croyants, ta'i'un, des gens qui viennent de bon gré, c'est ça qu'on dit, de plein gré, il veut le faire. De plein gré, des gens qui se guident, Allah il est capable. Allah qadir ala an yaj'al an-nas jami'an mu'minin. Na'am, qadir. Allah azza wa jalla il est capable. Bah, qu'est-ce qu'on répond à celui qui nous pose cette question-là? Qui nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il n'a pas guidé tout le monde, tout simplement? Vous avez compris la question? Parce que ça, c'est une shubha fil qadr. Ça, c'est une ambiguïté dans ce sujet-là, qui est la croyance au destin. La réponse, al-jawabu bala. Bien sûr que si, Allah est capable. Qadirun ala dhalik, kama qala ta'ala. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Bien sûr qu'Allah est capable. Allah a dit dans le sens du verset, et si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unie. Donc Allah il nous montre, لَا تَظُنَّنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِقَادِرٍ. Ne crois pas qu'Allah n'est pas capable. Donc en même temps qu'Allah t'enseigne que tu as la volonté de faire les choses et qu'il t'enseigne tout ce qui est en rapport avec le destin, au cas où une ambiguïté vient dans ta tête, une ambiguïté, une choubha, elle vient dans ta tête et tu te dis, pourquoi Allah il n'a pas guidé tout le monde? Allah il n'est pas capable? La réponse, Allah il te l'a donné dans le Coran. Et il te dit, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Si Allah avait voulu, il aurait fait des gens une communauté unie, une seule communauté. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, قَدِرْ عَلَى هَذَا وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ. لِمَاذَا? لِحِكْمَتِهِ يَعْلَمُ لِمَاذَا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de tout le monde des croyants, des gens pieux. Pourquoi? Il est sage. Et dans tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Allah a aussi dit dans le sens du verset, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Allah azza wa jalla dit dans des versets qui sont très clairs, n'importe qui les comprend. Dans le sens du verset, si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient eu la foi. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer. وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ. Et bien d'autres versets encore qui montrent cette chose. وَلَكِنْ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ بِهِمْ هُوَ مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ وَمُوجِبُ رُبُوبِيَّتِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Mais ce qu'Allah a fait de ses serviteurs, pour ceux qu'il a guidés, ou pour ceux qu'il a égarés, pour ceux à qui il a donné, ou pour ceux à qui il a privé, Allah l'a fait en raison de sa sagesse, en fonction de ce que sa sagesse, ou de sa sagesse, pardon. Allah Azza wa Jal, il sait qui doit être guidé. Il sait qui doit être égaré. Il sait qui mérite une bonne chose. Et il sait qui est-ce qui mérite une mauvaise chose. C'est sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est sa science parfaite. Il dit, c'est ce qui découle de ses noms et de ses attributs. Asma'ullah wa sifatuhu. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَقَوْلُ الْقَائِلِ لِمَا كَانَ مِنْ عِبَادِهِ الطَّائِعُ وَالْعَاصِي كَقَوْلِ مَنْ قَالَ لِمَا كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُنْعِمُ الْمُنْتَقِمُ لكن هذه الأسماء كلها غير صحيحة إلا المعطي والمعاني صحيحة نعم الله يضر من يشاء ينفع من يشاء يعطي يمنع يخفض لكن ليست أسماء الله عز وجل. Il dit pardon, celui qui dit et qui pose cette question en disant, pourquoi parmi les serviteurs d'Allah il y en a qui sont obéissants et d'autres qui sont désobéissants? C'est comme si qu'il disait, pourquoi parmi les attributs d'Allah, le fait qu'il guide qui il veut, qu'il égare qui il veut, le fait qu'il élève qui il veut et qu'il rabaisse qui il veut, le fait qu'il donne à qui il veut et qu'il prive à qui il veut, le fait qu'il donne des bienfaits à qui il veut et qu'il se venge contre qui il veut. C'est-à-dire qu'en fait, en posant des questions comme ça, c'est comme si que tu t'opposes aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allez, al-i'tirad. على هذا تقول لماذا هذا طائع هذا عاصي كأنك تقول لماذا الله ينعم على من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء لماذا ينتقم ممن يشاء. C'est comme, le fait de poser ces questions là, c'est comme si que tu demandais Pourquoi Allah a ses noms et ses attributs? Hala su'al ghalat kabir. Cette question est un grand égarement. Allah subhanahu wa ta'ala la yadlimu al-ibad. Allah ne fait d'injustice à aucun de ses serviteurs. Asma'uhu sifatuhu kulluha kamila. La naqsa fiha. Allah n'a aucun manque dans ses noms et dans ses attributs. Tout ce qui vient d'Allah est parfait. Subhanahu wa ta'ala. فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ فِي أَفْعَالِهِ اِعْتِرَاضٌ عَلَيْهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Le fait de s'opposer à ce qu'Allah fait revient à s'opposer à ses noms et à ses attributs. بَلْ عَلَى إِلَهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ. Et c'est le fait aussi de s'opposer à son droit à l'adoration et à la Seigneurie. فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Et Allah dans le Coran, dans plusieurs versets, il répond يرد على الكفار الذين أتوا بهذه الشبهة. Allah Azza wa Jalla, il répond dans le Coran à ces kuffars qui ont cité ces ambiguïtés, parce que ces questions là à la base, هذا السؤال ليس سؤال المؤمن بل سؤال الكافر لكن وقع كثير من المؤمنين في هذا السؤال بسبب جهلهم. À la base, cette question n'est pas la question d'un croyant, elle est la question d'un mécréant. Mais la raison pour laquelle beaucoup de croyants sont tombés dans des ambiguïtés qui les ont conduits à poser de telles questions, c'est leur ignorance. Et Allah Azza wa Jalla répond à ces gens-là dans le sens des deux versets ici. Allah a dit que soit exempt Allah, le Seigneur du trône, au-dessus de ceux qui le de ce par quoi ils le décrivent. C'est-à-dire, eux, ils ont décrit des choses. وَصَفُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَرَادُوا قَالُوا اللَّهُ لَهُ بَنَاتٍ وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ قَالُوا كَذَا. Ils ont dit, Allah a des filles, le peuple de Quraysh. Ils ont dit, ils ont parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont décrit Allah selon ce que bon leur semblait, selon ce qu'ils voulaient. Allah Azza wa Jalla a dit que soit exempt Allah, le Seigneur du trône. كيف رب العرش. Comment le Seigneur du trône. Quand Allah ici dit le Seigneur du trône, ce n'est pas pour rien. C'est pour bien préciser. Le Seigneur du trône. Et le trône, c'est la créature la plus grande. أعظم المخلوقات وأكبرها العرش. La plus grande créature d'Allah Azza wa Jal, c'est le trône. Et Allah est le Seigneur du trône. Comment décrivez-vous le Seigneur de la plus grande créature par de telles choses. كيف تصفون الله بهذا وهو رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux sont interrogés. نحن لا نسأل لماذا يقول الله لماذا يريد الله لكن الله سيسألنا لماذا تقول أنت لماذا فعلت. Nous on n'a pas à interroger, à demander pourquoi Allah veut ça, pourquoi Allah fait. Mais nous, on sera interrogé par Allah yawm al-qiyam. Et le fait de poser la question pourquoi Allah fait, pourquoi va t'amener au kufr. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans le dernier chapitre Kitab al-Tawhid, le chapitre qui concerne le Tawhid, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qala la lan yabraha an-nas ay la yazal an-nas lan yabraha an-nas yatasaalun حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله والعياذ بالله. Prophète عليه الصلاة والسلام il dit dans le hadith, les gens ne cessent de se poser des questions ou de poser des questions jusqu'à ce qu'ils vont dire voici Allah le créateur de toutes choses. Et là ils vont arriver à une autre question qui est mais qui a créé Allah عزّ وجل. وإذا قال من خلق الله كفر. Et s'il dit qui a créé Allah, il a mécru. Car Allah est le créateur qui n'est pas créé. Allah khaliq, mahmoud, ghayru makhluq, il n'est pas le créateur subhanahu wa ta'ala. Khaliqu kulli shay'in fa'budu. Il est le créateur de toutes choses, adorez-le donc. Subhanahu wa ta'ala. La question d'aujourd'hui. As-su'al al-khamis wal-khamsoun ba'd al-mi'a. Question 155. Ma manzilatul imani bil-qadr min ad-din. Quelle est la place de la croyance au destin dans la religion? Al-Iman bil-Qadr في دين الإسلام له منزلة كبيرة جدا. Le croire au destin dans l'islam est quelque chose de très important. Cette foi a une place très grande dans la religion d'Allah et dans la foi du croyant. Et donc la question ici, quelle est la place qu'a la croyance au destin? الجواب الإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع كما قرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن نفى القدر زاعما منافاته لشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها فأثبت مع الله تعالى خالقا بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون والعياذ بالله. La croyance au destin est la base du tawhid, la base du monothéisme, le fait d'adorer Allah seul et sans associé. Pourquoi? Parce que croire que seul Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut va te pousser directement à l'adorer seul et sans associé. إذا كنت تؤمن أن الله كتب كل شيء وأن الله عز وجل قدر كل شيء فأنت ستدعو الله وستتوكل على الله وستسأل الله ولا تدعو إلا الله ولا تتوكل إلا على الله ولا تسأل إلا الله. Si tu crois et tu as la conviction qu'Allah est le seul qui décrète et qui a dans la main le destin, cette chose va te pousser à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas demander qu'à Allah, tu ne vas placer ta confiance qu'en Allah. Lorsqu'une chose va t'arriver, tu vas t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un bien va t'arriver, tu vas remercier Allah. Donc en aucun cas tu ne vas t'enorgueillir. La tatakabbar ila an'ama Allahu alayk. Et en aucun cas tu ne vas t'égarer. Et pour cela le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'alta fasta'in billah. Il lui dit, lorsque tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Et lorsque tu recherches de l'aide, cherche l'aide d'Allah. Taïb, limada nas'alullah, limada nasta'in billah. Pourquoi on demande l'aide d'Allah? Et pourquoi on invoque Allah? Li'anna Allah qaddara kulla shay. Parce qu'Allah a décrété tout. Et c'est pour ça que tout de suite après, le prophète lui dit, wa'alam anna l'ummata la wujtama'at ala an yanfa'uka bi shay. لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et sache que si tous les gens s'unissaient pour te faire un bien, ils ne pourraient te faire de bien que ce qu'Allah t'a écrit. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Il lui dit, si tous les gens s'unissaient pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire de mal que ce qu'Allah a écrit. Que ce qu'Allah a écrit. رفعت الأقلام أقلام من قدر. Les plumes sont levées, les plumes qui ont écrit la destinée, يعني c'est une chose écrite, inévitable. وجفت الصحف. Et les feuillets ont séché. Les feuillets où les destins étaient écrits ont séché. Donc, regardez, le prophète عليه السلام lui dit, invoque Allah seul. Pourquoi? Parce que tout est dans sa main. Et personne ne peut éviter ce que lui a décidé. Et pour ça ici il dit al-iman bil-qadar nizam al-tawhid. La croyance au destin est la base même du tawhid. Donc si tu comprends que le destin al-iman bil-qadar nizam al-tawhid c'est la base du monothéisme pour lequel tu es créé, tu comprends qu'il a une importance immense. Tu comprends que l'iman bil-qadar muhim wa azim est une chose très grande et immense. Ensuite il dit il dit que la religion est que donc la religion, la foi d'une personne ne pourra être droite tant qu'elle n'a pas cru au destin et mis en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ta religion ne sera pas complète tant que ton iman, ta foi au destin ne sera pas complète. Donc pour que ta religion soit complète, que ta foi soit complète, il faut que ta croyance au destin elle soit complète. كَمَا قَرَّرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Comme le prophète a.s.w. a inculqué à ses compagnons la foi au destin, il a répondu à celui qui lui a posé la question, « Ô messager d'Allah, pourquoi ne délaissons-nous pas les actes et pour nous appuyer sur ce qui nous a été décrété ?» Ici le compagnon dit, « Ya Rasulallah, autant arrêter tout et attendre ce qu'Allah a décidé. » Et attendre ce qu'Allah a décidé. Le prophète a.s.w. leur a dit là, non, et amalou, œuvrez, fakullun muyassarun lima khuliqala. Car chacun d'entre vous va être guidé pour ce en vue de quoi il a été créé. Toi, tu ne connais pas le destin. Ce qui t'est demandé, c'est d'œuvrer. Quant au destin, il relève de la science d'Allah que tu ignores. La seule chose qu'on t'a demandé, c'est d'œuvrer. Ce qui va se passer après, seul Allah le sait. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, une telle personne qui dirait, moi je ne prie pas, ou je ne vais pas au hajj par exemple, ou je ne paye pas l'aumône, et je n'obéis pas à Allah, parce que tout est destiné, tout est écrit, kullu shay maktoub, et là vous sommes là, vous êtes. J'abandonne le hajj, j'abandonne la prière, j'abandonne toutes ces choses-là. Celui-là lui répond d'accord. Donc, si tu crois que toute chose est écrite, et c'est pour ça que tu délaisses ces actes, ne mange pas. Ne bois pas, ne te marie pas. Quand tu es sale, ne te lave pas. Puisque tout est écrit, attends. Si Allah a écrit que tu vas te laver, tu vas te laver. Si Allah a écrit que tu vas manger, tu vas manger. Si Allah a écrit que tu vas te reposer, tu vas te reposer. هل يقول بهذا عاقل? Est-ce qu'une personne qui raisonne peut dire une telle parole? Avez-vous déjà vu une personne qui dit, je suis fatigué mais je dors pas, j'attends peut-être qu'Allah va m'écrire. Avez-vous déjà vu une personne qui a faim et qui dit, je ne mange pas, si c'est destiné, de toute façon, ça va venir. Abadan. فَكَذَلِكَ لَا يَقُولُ عَاقِلُ Allah قَدَّرَ كُلَّ شَيْءٍ لِذَلِكَ لَا يُصَلِّ De la même manière, une personne douée de raison ne peut dire, je ne prie pas, ou je ne fais pas telle et telle chose, ou je pêche, parce qu'Allah a écrit. Abadan. Ça c'est clair? واضح هذا? Donc, celui qui renie le destin, celui qui renie le destin, فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بافعاله خالقا فاثبت مع الله تعالى خالقا بل اثبت ان جميع المخلوقين خالقون والعياذ بالله. Le sens de cette parole, c'est que celui qui renie le fait qu'Allah est destiné, celui qui ne croit pas au destin, qui ne croit pas que les choses sont destinées, il va croire qu'il est lui-même le créateur de ses actes. Et il sera tombé dans le shirk billah azza wa jalla, parce qu'il aura attribué à Allah un associé dans la création des actes. Et on a vu dans les cours d'avant que la croyance au destin comporte 4 points. Et que le dernier de ces points est de croire que toutes les choses qui arrivent, toutes les choses sont créées par Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui les a fait exister, tes paroles, tes actes. Et celui qui ne croit pas au Qadr et qui dit qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas écrit toutes ces choses, cela reviendrait à dire qu'il est le créateur, lui, de ses actes. Et en disant ça, il a associé Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَثْبَتَهُ مُحْتَجًا بِهِ عَلَى شَرْعٍ مُحَارِبًا لَهُ بِهِ نَافِيًا عَلِى الْعَبْدِ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ الَّتِي مَنَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِيَّاهَا وَكَلَّفَهُ بِحَسَبِهَا زَاعِمًا أَنَّ اللَّهَ كَلَّفَ عِبَادَهُ مَا لَا يُطَاقُ كَتَكْلِيفِ الْأَعْمَى بِنَقْطِ الْمُصْحَفِ فَقَدْ نَسَبَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى الظُّلْمِ وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم Ensuite, il nous explique une chose qu'on va remettre au prochain cours, Inch'Allah. Ce paragraphe-là, on l'expliquera mieux le prochain cours, Inch'Allah. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا Quant aux vrais croyants, فَيُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Ils croient au destin que celui-ci soit bon ou mauvais. وَأَنَّ اللَّهَ خَالِقُ ذَلِكَ كُلِّهِ Et qu'Allah est le créateur de tout cela, de tout ce qui se passe, que cette chose soit bonne ou mauvaise. وَيَنْقَادُونَ لِشَرْعِ أَمْرِهِ وَنَهِي Ils se soumettent, ceux qui croient véritablement, ils se soumettent à la législation d'Allah, à ses ordres et à ses interdits. وَيُحَكِّمُونَهُ فِي أَنفُسِهِمْ سِرًّا وَجَهْرًا وَالْهِدَاءِ سِرًّا وَجَهْرًا Et ils prennent pour juge en eux-mêmes, dans la vie de tous les jours, la législation d'Allah. Ils font par ce qu'Allah a demandé de faire, ils délaissent par ce qu'Allah a demandé de délaisser. وَالْهِدَاءَ وَالْإِضْلَالَ بِيَدِ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ بِفَضْلِهِ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءَ بِعَدْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوَاقِعِ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ قَالَ تَعَالَى هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى Ensuite, il dit que Allah a dans sa main le fait de guider et d'égarer. En effet, Allah guide qui il veut par sa miséricorde et par sa grâce et par son bienfait. De même qu'il égare qui il veut par sa justice. Et il est plus savant de ceux qui méritent sa grâce ou sa justice. Il est plus savant de ceux qui méritent qu'ils soient guidés et ceux qui méritent d'être égarés ou châtiés. Allah a dit dans le sens du verset, il est celui qui connaît mieux ou qui connaît plus ceux qui s'égarent ou celui qui s'égare de son chemin, et il est celui qui connaît plus ceux qui se guident. Allah yu'allimuna annahu hakim. Allah nous enseigne qu'il est sage, subhanahu wa ta'ala, et que s'il t'en a donné 20 à toi et 0 à lui, il le sait pourquoi. C'est parce que lui, il lui en fallait 20 à ce moment-là. Et lui, il lui en fallait 0 à ce moment-là. Et peut-être que celui qui en a 0 en aura 50 demain. Et celui qui en a 20 n'en aura plus demain. Et peut-être que les deux en auront 100. Et peut-être que les deux vont mourir en aurant 0. Allah sait qui est guidé, qui est égaré, qui mérite d'être guidé, qui mérite d'être égaré. Il est sage, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire pourquoi lui est guidé, pourquoi lui est égaré, c'est comme si on disait pourquoi Allah est sage, pourquoi Allah est juste, pourquoi Allah donne ses bienfaits à qui il veut. Vous voyez l'égarement, vous voyez la question comment elle est mauvaise. وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الدَّامِرَةُ Et Allah Azza wa Jal a à travers cela la sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الشَّرْعِ فِرْعًا وَتَرْكًا لَا عَلَى الْقَدَرِ Également, il nous dit que la punition comme la récompense dépendent, donc le fait qu'Allah nous punisse ou le fait qu'Allah nous récompense, la punition et la récompense dépendent de ce qu'on va faire ou de ce qu'on va délaisser. Elles ne dépendent pas du destin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser par rapport à nos actes. Et il va punir ceux qui méritent la punition par rapport à leurs abandons des obligations ou par rapport aux péchés qu'ils ont faits. Et que celui qui fait des péchés ne peut pas dire c'est parce qu'Allah a destiné que je fais ça. D'accord ? Et ça répond à beaucoup de gens qui se trompent quand on leur dit pourquoi tu ne pries pas ou bien pourquoi tu consommes l'alcool. Pourquoi tu consommes ce qu'Allah a interdit? C'est-à-dire Allah râle. Allah est dominant. C'est-à-dire, c'est comme si il te disait, que veux-tu que je te dise? Allah a décidé ça sur moi. Allah râle kabir wa dalal. C'est un grand égarement, c'est une grande erreur de dire une telle parole. On ne fait jamais un péché en trouvant comme excuse la destinée, le destin. On ne fait jamais un péché. Ensuite, on dit, c'est parce qu'Allah l'a destiné. Tu as eu la volonté de le faire. Et une telle personne, dans ce cas-là, tu viens devant cette personne, tu lui donnes un coup. Qu'est-ce qui aime se prendre un coup? Personne. Et quand elle va s'énerver sur toi, tu lui dis Allah ghalib. Tu dis Allah domine. C'est une chose qui est décide. Elle ne va jamais accepter ça. Vrai ou faux? Personne ne va accepter. Comment tu n'acceptes pas ça, mais tu acceptes de pécher, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et après tu dis c'est le destin. Vous avez compris? Donc, al-aqil ma yaqul hadha al-kalam. Celui qui est doué de raison ne peut dire une telle parole. وَإِنَّمَا يُعِزُّونَ أَنفُسَهُمْ بِالْقَدَرِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ. Mais les gens de la sunna qui sont les croyants corrects, ils ne parlent du destin que quand ils sont touchés par un malheur. À chaque fois qu'ils sont éprouvés, là ils disent c'est le destin. Je n'ai pas eu le choix. Lorsque quelqu'un de leur famille meurt, lorsqu'une maladie les atteint, lorsqu'ils sont pauvres, lorsqu'ils ont une difficulté dans la vie, à ce moment-là, on peut dire, les croyants disent, voici ce qu'Allah a destiné. Subhanahu wa ta'ala. Et ils se consolent avec cette parole. Et Allah Azza wa Jal, on va voir le verset après. فَإِذَا وَقَفُوا لِحَسَنَةٍ عَرَفُوا الْحَقَّ لِأَهْلِهِ فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Lorsque les croyants ont un bienfait, ils reconnaissent d'où vient ce bienfait. Il vient d'Allah. C'est pour cela qu'ils disent, dans la traduction du verset, la louange est à Allah qui nous a guidés vers cela, alors que nous ne serions pas guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Donc ici, on voit que quand ils... Et ici, là, c'est les gens du paradis. Dans ce verset, c'est quand ils sont au paradis, qu'ils voient les bienfaits d'Allah, ils disent, Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Un bienfait les a, leur est arrivé, ils ont reconnu que ce bienfait ne vient que d'Allah. Wa lam yaqulu kama qala al-fajir, wa huwa qarub, innama utituhu ala ilmin indi. Ils n'ont pas dit la parole que cet homme pervers qui est Qarun, un homme riche du peuple de Moussa, un homme mécréant, lorsque son peuple l'a appelé à utiliser ses biens nombreux qu'Allah lui a donné, ses richesses dans l'obéissance d'Allah, lorsque son peuple l'a appelé à ne pas transgresser, وَلَا تَبْغِي فِي الْأَوَلِ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Et ne cherche pas à semer la corruption sur terre, Allah n'aime pas les corrupteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? قال إنما أوتيته على علم عندي أي أوتيت هذا المال الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أنني أستحقه يتكبر. Qu'est-ce qu'il a dit lorsque le bienfait lui est venu? Il a dit dans le sens du verset, Allah m'a donné tout ça parce qu'il sait que je le mérite. Donc regardez, celui qui croit al-qadr correctement, quand un bienfait l'atteint, il dit Alhamdulillah, ce bienfait vient d'Allah. Mais celui qui ne croit pas à Al-Qadr, quand un bienfait l'atteint, il va dire Allah m'a donné cette chose parce que je la mérite. Il ne va pas dire Allah m'a donné parce qu'il a été miséricordieux envers moi, parce qu'il a eu des grâces, il m'a donné de ses bienfaits, les grâces, le fadl. Il ne va pas dire ça. Il va dire qala innama utituhu ala ilmin indi. On ne m'a donné cette chose que par science. C'est-à-dire Allah m'a donné ça parce qu'il sait que je le mérite. وَإِذَا اقْتَرَفُوا سَيِّئَةً قَالُوا كَمَا قَالَ الْأَبَوَانِ وَهُمَا آدَمُ وَحَوَّاءُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et lorsqu'ils commettent un péché, lorsqu'ils font une chose mauvaise, on parle de qui ici? Qui lorsqu'ils commettent? Les croyants. Ils disent ce que nos parents ont dit. Qui sont nos parents? Adam et Hawa. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait de l'injustice, ou bien on a causé du tort à nos âmes en faisant des péchés. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nous serons certainement parmi les perdants. Regardez, le croyant الَّذِي يُؤْمِنْ بِالْقَدَرْ إِذَا عَمِلَ ذَنْبًا. Celui qui croit correctement au destin, lorsqu'il fait un péché, il ne va pas dire je l'ai fait parce que c'est Allah qui a décidé. Mais il va dire, oh Allah, je me suis fait du mal à moi-même en commettant ce péché. Et si tu me pardonnes pas, je serai parmi les perdants. وَلَمْ يَقُولُكَ قَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Ils ne diront pas la parole que Shaitan a dit lorsqu'il a dit dans la traduction du verset: Ô mon Seigneur, comme tu m'as conduit à l'égarement, أَغْوَيْتَنِي, comme tu m'as conduit à l'égarement, je vais me mettre dans leur, je vais m'asseoir devant eux sur leur passage. Je vais tous les égarer parce que tu m'as égaré. Celui qui ne croit pas au destin, il va dire cette parole-là: tu m'as égaré. Mais celui qui croit au destin, il va dire: j'ai fait un péché, je me suis fait du mal à moi-même. Oh Allah, pardonne-moi. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et les croyants, lorsqu'un mal ou une épreuve les touche, ils disent: nous sommes à Allah et vers lui s'effectuera notre retour. On est à Allah, on appartient à Allah. Allah nous a créés et on va revenir à Allah. وَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Les croyants, lorsqu'ils sont touchés d'un mal, ils disent: vers à Allah nous sommes et vers lui nous retournerons. Et ils ne disent pas ce que les gens qui ont mécru ont dit à leurs frères. Ça c'est pendant la bataille de Uhud, pendant la bataille de lorsque les mécréants ont dit à leurs partisans ou à leurs comparses, à leurs compagnons: n'y allez pas, restez chez vous. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit après avoir vu ces gens mourir? Ils ont dit: s'ils étaient restés avec nous, ils ne seraient pas morts. Ils n'auraient pas été tués. Allah va faire de cela dans leur cœur un regret, une source de regret. Et Allah fait vivre et fait mourir. Vous ne pouvez pas éviter la vie et la mort. C'est Allah Azza wa Jalla qui vous fait vivre quand il veut et qui vous fait mourir quand il veut. Ça ne sert à rien de dire: s'ils nous avaient écoutés, ils ne seraient pas morts. Peut-être que même s'ils vous avaient écoutés, ils seraient morts. Peut-être qu'ils seraient morts d'une autre façon. Allah seul sait qui va mourir, quand il va mourir, qui va rester en vie, pourquoi il va rester en vie. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est parfaitement clairvoyant sur tout ce que vous faites. Il voit tout ce que vous faites. سبحانه وتعالى فتبين لنا منزلة الإيمان بالقدر. On a pu voir à travers cette question et cette réponse la place de la croyance au destin dans la religion d'Allah سبحانه وتعالى. Et c'est pour cela que le prophète عليه الصلاة والسلام, quand, comme cela est rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Ibril, le hadith qui est très connu qu'on appelle hadith d'Ibril, l'ange d'Ibril عليه السلام se présente au prophète alayhi salatu wa salam en homme, en être humain, fi surat rajul, et lui pose des questions. Et les gens ne savent pas que c'est Jibril, et le prophète, lui, il sait que c'est Jibril. Et à la fin, il leur dit: cet homme, savez-vous qui il était? Et les compagnons ne savaient pas. Le prophète leur dit: c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc il est venu poser des questions pour que les compagnons écoutent la réponse. Dans ce hadith, lorsque Jibril dit au prophète alayhi salatu wa salam: informe-moi sur la foi, l'iman, le prophète lui énumère les six piliers de la foi. Et à la fin, donc il dit: an tu'mina billah wa malaikatihi, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa al-yawm al-akhir, au jour dernier, wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Et là, il a réitéré le verbe: et en ce que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Pourquoi il ne l'a pas dit: en tu'mina billah wa tu'mina bil malaika wa tu'mina bil kutubi wa tu'mina wa tu'mina la en tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa lima l'akhir wa tu'mina bil qadr. Il a réitéré le fait de croire, alors qu'il aurait pu le faire à chaque pilier, mais il ne l'a pas fait. Et tous les piliers sont importants, mais c'est pour montrer l'importance qu'a ce pilier qui est la croyance au destin. Question 156. Et à travers cette réponse, on vient de finir et de compléter l'étude en détail des six piliers de la foi. بهذا نكون قد أكملنا دراسة أركان الإيمان الستة بتفاصيلها en détail. Question 156, السؤال السادس والخمسون بعد المئة, كم شعب الإيمان؟ Combien sont les branches de la foi? فرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان. Il y a une différence entre ce qu'on appelle les piliers de la foi et ce qu'on appelle les branches de la foi. Et qui parmi vous va me donner la différence entre ce qu'on appelle les piliers et les branches de la foi? Mohamed, tu sais ou pas? Un petit peu, disons. C'est quoi? En fait, les piliers de la foi, en fait, c'est les ensembles qui constituent la foi. C'est certains ensembles qui constituent la foi. Par exemple, la pudeur, le fait d'enlever quelque chose. Les piliers? Non, les branches, ça, c'est les branches de la foi. En fait, c'est ce qui a rapport, en fait, pour compléter la foi, en fait. Mmh. Et les piliers de la foi, c'est les différents points qui représentent la foi. En fait. Je sais pas si j'ai un petit peu... À peu près. Ouais. Quelqu'un a autre chose ou pas? Les piliers, c'est les branches les plus importantes de la foi. Ouais. Exactement. Premièrement, les piliers sont les branches les plus importantes de la foi. La foi a plusieurs branches. Les plus grosses branches, les branches les plus importantes de la foi sont les piliers de la foi. Donc, les branches principales et premières de la foi sont les piliers de la foi. Arkan al-Iman a akbar wa a'azam shu'ab al-Iman. Fahiya min shu'ab al-Iman wa hiya akbaruha. Ils sont les plus grands, les plus importants branches de la foi. Si les piliers, si un pilier manque, ils annulent la foi. Que Shu'ab, non. Si il y a un Shu'ab qui manque, ça n'annule pas la foi. Ouais. Si un pilier manque, il n'y a plus l'iman. D'accord ? إذا انتفى ركن واحد انتفى الإيمان كله. رجل لا يؤمن بالله كافر. رجل لا يؤمن بالقدر كافر. رجل لا يؤمن بالملائكة كافر. إلى غير ذلك. Celui qui ne croit pas en Allah est un mécréant. Celui qui ne croit pas au destin est un mécréant. Celui qui ne croit pas au prophète est un mécréant. Ne délaisser un seul pilier de la foi enlève à la personne toute sa foi, elle devient mécréante. Alors que délaisser, je dis la suite, délaisser un shu'ab parmi les shu'ab, ça n'annule pas la foi. Ça une shu'ab n'importe quel, laquelle n'importe laquelle défini. Non, hein? C'est indéfini, elle est incomplète en fait sa foi. Celui qui délaisse une branche autre que les piliers de la foi, donc autre que les six branches principales, n'est pas un mécréant. Mais sa foi baisse. Sa foi baisse. Vous avez compris? Mais après, dans le cas contraire, c'est si une personne a des manquements dans les branches de la foi, c'est-à-dire sa foi, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, mais elle est présente. Il est croyant. Plus ou moins faible ou fort. En fonction de ses branches. إذن الذي يترك ركنا من أركان الإيمان يكفر بالله والذي يترك شعبة من شعب الإيمان لا يكفر بالله. إذا كانت هذه الشعب دون أركان الإيمان. Donc on vient de dire à peu près la différence entre les branches et les piliers de la foi. الجواب, la réponse à quelle question? Al-Karim. Combien? 72, 113? Non, la réponse à quelle question? Ma huwa su'al? Jamel. Combien sont les branches de la foi? C'est كم شعب الإيمان. الجواب قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. La réponse, et il nous donne comme réponse un verset. D'accord ? La question c'est, combien y a-t-il de branches de la foi ? Réponse, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Il dit, la réponse, Allah, élevé soit-il, a dit. Et il ramène un verset. Un verset dans lequel il y a certaines branches de la foi. D'accord ? Il n'y a pas toutes les branches de la foi dans ce verset, mais il y en a parmi les plus importantes. Et en premier lieu, celles qui sont les piliers de la foi. Dans la traduction du verset, la piété ou la bonté ne consiste pas à ce que vous dirigiez vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété consiste à avoir la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les six ? Les cinq. Il en manque un. Qadda. C'est lequel ? Qadda. C'est la croyance au destin. Quel verset ? C'est le verset 177 de Surat Al-Baqarah. Donc on termine la traduction du verset après avoir cité ces cinq choses-là. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ. Et celui qui donne, yani la bonté aussi consiste à donner de l'argent bien qu'on aime cet argent. تحب هذا المال ولكن تعطيه تتصدق به. Tu le donnes à qui ? ذَوِي الْقُرْبَى الْأَقْرِبَى, les gens proches. وَالْيَتَامَى, les orphelins. والمساكين, les pauvres. وابن السبيل, les voyageurs qui sont dans le besoin. والسائلين, ceux qui demandent de l'aide. وفي الرقاب, الله أعلم. وأقام الصلاة وآت الزكاة, et ceux qui accomplissent ou le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا, et ceux qui respectent leur engagement lorsqu'ils donnent leur parole et qui s'engagent. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, ceux qui patientent alors qu'un mal ou une calamité les touche. أولئك الذين صدقوا, voici ceux qui ont été véridiques. وأولئك هم المتقون, et voici ceux qui ont eu la vraie piété. Donc ici on retrouve quelques-unes des branches de la foi. En premier lieu, il y a le fait les cinq premiers piliers de la foi. Et le sixième, on le retrouve dans Surat Al-Qamar, inna kulla shay'in khalaqa lahu biqadar. Toute chose, on l'a créée avec sa prédestinée. Et ensuite, on retrouve des actes qui font partie des branches de la foi, qui sont le fait de donner des aumônes, que ce soit aux pauvres, aux proches, aux voyageurs, à ceux qui demandent. Le fait d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône, de respecter l'engagement, de patienter quand on était éprouvé, tout cela fait partie des branches de la foi. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc ici l'auteur du livre, qui est le grand savant de l'islam, Hafiz al-Hakami rahimahullah, a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, cela est dans la version de l'imam al-Bukhari, la foi est composée de ce qu'on appelle en arabe bid'un wa sittun. Ma ma'na bid'a? Que veut dire ce mot dans langue arabe? C'est pas 70 et quelle branche? Ça veut dire un peu. Une partie. Quand on va le traduire comme ça, parce qu'il n'y a pas de mot en vérité. C'est pas entre 6 et 9? C'est entre 3 et 9. L'adad بين ثلاثة و وتسعة يقال بضع. مثلا أزورك بعد بضع سنين. Je vais te visiter après بضع سنين. أي بعد ثلاث أو أربع أو خمس أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة. أتيتني أو رأيتك qabla bid'a sinin. Je t'ai vu avant bid'a. Bid'a, ce mot, il veut dire entre 3 et 9. Donc il peut vouloir dire, on peut le dire pour 3, on peut le dire pour 4, on peut le dire pour 5, pour 6, pour 7, pour 8 et pour 9. Soit on dit 3 ou 4 ou 5 ou 6, etc. Soit on dit bid'a. Mais quand on dit bid'a, on ne sait pas exercer lequel. Exactement. Allah قال في بضع سنين سورة الروم. Quand il dit que les Romains vont être battus, quand? Il a dit في بضع سنين. Il nous a pas dit quand, mais c'est entre 3 et 9 ans. Dans 3, dans une période qui est entre 3 et 9 ans. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans ce hadith, la foi est composée de 60 et quelques branches. La raison pour laquelle on ne peut traduire que comme ça. 60 et quelques. Il n'y a pas de mot qui traduit bidra en français. Donc on dit et quelques. En vérité, ce n'est pas et quelques. Ouais, c'est entre 3 et 9. Dans la version de l'imam muslim, bidra'un wa seb'ouna shu'ba. Dans la version de l'imam muslim, 70 et quelques branches. Donc de 73 à 79. La plus haute branche de la foi, qawlu la ilaha illallah. Hala hal iman billah. La plus haute branche de la foi, c'est le fait de dire « La ilaha illallah ». Et la plus basse branche de la foi, le fait d'enlever de la voix ce qui gêne, les obstacles. « Imatatu al-adha an al-tariq »« Anta tamshi an al-tariq »« Wa tara fihi khashaba »« Tuziluhu an al-tariq »« Lianna hadha adha lil-nas »« Izalatu al-adha an al-tariq »« Min al-iman » Le fait d'enlever de la route ce qui gêne fait partie de la foi. والحياء شعبة من الإيمان. Et la piété est une la pudeur est une branche de la foi. Donc la pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. Qu'est-ce qui peut me dire ce qu'on remarque dans ces trois choses là? Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة min al-iman. Celui qui réfléchit bien, et des actes à la fois du cœur, de la langue et du corps. Naam. Al-iman, nahnu qulna, on a dit dans le début de l'étude sur l'iman que l'iman ma huwa amal wa qawl wa i'tiqad. Al-iman fi al-qalb wa 'ala al-lisan wa 'ala al-jawarih, les membres. Et que l'iman c'est composé de trois choses. Des choses qui sont dans le cœur, qu'al khawf min Allah, hada fil qalb. Des choses qui sont dans la langue, ka qawlika subhanallah, le fait de dire subhanallah. Et des choses qui sont dans les membres, ka salat, le fait de prier. La foi, elle se disperse dans trois choses. Dans le cœur, dans les membres et sur la langue. Ici, le prophète, alayhi sallam, lorsqu'il dit que la foi est composée de 70 et quelques branches, il donne trois exemples. Et on remarque qu'il a donné un exemple de choses qui sont dans la langue, un autre de choses qui sont dans les actes et un autre qui sont dans le cœur. Le premier exemple qu'il a donné, c'est le fait de dire la ilaha illallah, ça c'est dans la langue. Le deuxième exemple qu'il a donné, le fait d'enlever de la route ce qui gêne, ça c'est une chose qui se fait avec la main. Et la troisième chose qu'il a donné, c'est le fait d'avoir de la pudeur. Et la pudeur, al-haya fil qalb, le fait d'avoir de la pudeur, c'est une chose qui est dans le cœur. Donc ici, on vient de voir à peu près que les branches de la foi sont de 60 et quelques ou 70 et quelques. Tayyib. Nous, lorsqu'on dit les branches de la foi, on ne doit pas savoir simplement quelles sont les branches de la foi juste pour le plaisir de les connaître. Mais c'est pour les mettre en pratique. Beaucoup de gens savent que le prophète alayhi sallam a dit une chose très simple. La plus basse branche de la foi consiste à enlever de la route ce qui gêne. Beaucoup de gens le savent, mais qui le fait? Tu marches et tu vois des branches, ou tu vois une bouteille en verre, ou je ne sais pas, une canette ou quelque chose dans la route. Peu sont les gens qui vont l'enlever, et beaucoup sont ceux qui savent que ça fait partie de la foi. Où est donc ta foi? Où est donc cette foi à laquelle que tu prétends avoir? Aina al-iman alladhi naz'umuhu wa naqulu nahnu mu'minun 'inda al-iman ونعلم أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. D'accord. Donc, le fait d'étudier ces choses-là, le but c'est de les mettre en pratique. C'est pas juste de savoir. Juste de savoir et c'est tout. Là, tu marches dans la route, tu vois quelque chose, tu l'enlèves parce que ça fait partie de l'iman. Allah ya'juruka ala hadha. Allah il va te récompenser pour ça. La question 157. As-su'al as-sabi'u al-khamsun ba'd al-mi'a bima fassara al-ulama wa hadhihi ash-shu'ab. Par quoi les savants ont expliqué ces branches? Et nous aussi, on vient de voir que c'est 70 équelles ou 60 équelles. Quelles sont toutes ces branches-là là? Les savants, ils ont ou écrit des livres pour parler, comme ça, là, pour parler des branches de la foi. Comme l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, qui a écrit le livre qui s'appelle Shu'ab al-Iman. Et dans ce livre-là, cet imam a recherché à travers les versets et les hadiths toutes les choses qui font partie de la foi. Et il a essayé de ramener les 60 et quelques, les 70 et quelques. Et celui qui répond à cette question dit « قَدْ عَدَّهَا جَمَاعَةُ مِنْ شُرَّاحِ الْحَدِيثِ. Certains explicateurs des hadiths ont dénombré ces branches de la foi. وَصَنَّفُوا فِيهَا التَّصَانِيفِ كَتَبُوا الْكُتُبُ فَأَجَادُوا وَأَفَادُوا. Ils ont écrit des livres dans lesquels ils ont été bons et ils ont fait profiter à ceux qui ont lu. وَلَكِنْ لَيْسَ مَعْرِفَةُ تَعْدَادِهَا شَرْطًا فِي الْإِيمَانِ. Mais le fait d'en connaître le nombre, le fait de connaître le nombre exact des branches de la foi et de les connaître exactement lesquelles, n'est pas une condition dans la foi. Donc c'est pas obligé que tu saches quelles sont ces 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches. بَلْ يَكْفِي الْإِيمَانُ بِهَا جُمْلَةً. Il est suffisant d'y croire de manière globale, de savoir que la foi est composée de 70 et quelques branches. وَهِيَ لَا تَخْرُجُ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Et elles ne sortent pas du livre d'Allah ou de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Elles ont été citées dans le Coran et dans la sunna. فَعَلَى الْعَبْدِ امْتِثَالُ أَوَامِرِهَا وَاجْتِنَابُ زَوَاجِرِهَا. Le serviteur a l'obligation de mettre en pratique ses ordres et de délaisser ses interdits. وتصديق أخبارها أي أخبار الشريعة et de croire en ces informations. وقد استكمل شعب الإيمان. Il aura accompli alors les branches de la foi. والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. Et ce qui a été énuméré par ces savants qui ont écrit des livres pour détailler un par un ou une par une les branches de la foi est une vérité, c'est-à-dire que toutes ces choses-là font bel et bien partie de la foi, mais le fait de dire avec certitude que ces choses-là qui ont été écrites dans ces livres comme l'imam al-Bayhaqi, les branches de la foi sont ce qu'a voulu ou visé le prophète alayhi salam dans le hadith 70 et quelques branches, on a besoin d'un dalil pour ça. On ne peut pas dire le prophète voulait dire exactement ces choses-là. D'accord? Et ça, c'est un principe de la charia. C'est un principe du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a une chose qui est immense, de nous donner de façon globale et de nous dire que cette chose est immense, de nous donner un nombre sans nous détailler quelles sont ces choses. Comme dans le hadith, le prophète alayhi salam dit « Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman » Allah a 99 noms. مئتان إلا واحدة صام وزن من أحصاها دخل الجنة. Celui qui les, le sens de la parole ici, celui qui les apprend un par un, qui les comprend un par un, qui les met en pratique un par un, rentre au paradis. Et le prophète alayhi salam ne nous a pas cité quels sont ces 99 noms. Et quand vous voyez les tableaux avec les 99 noms, هذا ضعيف, c'est une chose faible, parce que il y a un hadith qui est faible qui nous a énuméré les 99 noms. Mais ce hadith-là, il n'est pas à prendre en compte parce qu'il n'est pas authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a plus que 99 noms. Mais parmi tous ces noms, il y en a 99 qui n'ont pas été détaillés par le prophète, qui s'ils sont appris, compris, mis en pratique, alors la personne entrera au paradis. Et ici, le prophète alayhi salam nous dit que la foi est composée de 60 et quelques branches, sans nous les détailler. Pourquoi? Pour qu'on les cherche à chaque fois, tout au long de notre vie. La question 158. Et on va peut-être terminer avec cette question. Ou celle d'après, en fonction du temps, parce que dans 15 minutes, j'ai arrêté, Inch'Allah. As-su'al al-thamin wal-khamsun ba'da al-mi'a, udhkur khulasata ma addu. Ici, il nous dit, cite-nous le résumé de ce qui a été énuméré par ces savants qui ont écrit des livres pour détailler un par un ou une par une les branches de la foi. Al-Jawab, قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله. Il nous répond en nous donnant un résumé qui a été fait par Al-Hafidh. Al-Hafidh, c'est l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Cet homme est celui qui a écrit le sharh de Sahih al-Bukhari, l'explication du livre entier de Al-Bukhari. Et c'est le meilleur sharh, c'est la meilleure explication écrite du livre de l'imam Al-Bukhari rahimahullah. Et cet imam Al-Hafidh rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, il a résumé ce que les savants ont énuméré comme branches de la foi. Et il a fait une bonne chose. Et il dit ici, l'auteur du livre, qu'il a résumé ce que l'imam Ibn Hibban rahimahullah a cité. Et en fait, il a résumé ce que l'imam Ibn Hibban a écrit, ce que l'imam Al-Bayhaqi a écrit et ce que l'imam Al-Halimi a écrit. Trois imams qui ont écrit dans ce sujet qui est les branches de la foi. Et Al-Hafidh rahimahullah, il a résumé tout ce qui a été énuméré par ses savants d'une bonne façon. Il a dit, donc ici c'est Hafidh rahimahullah Ibn Hajar qui dit: إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. Ces branches, il dit que ces branches, qui sont les branches de la foi, viennent des actes du cœur, des actes de la langue et des actes du corps. Donc c'est-à-dire que les branches de la foi, comme on vient de le dire il y a pas longtemps, les branches de la foi sont soit dans le cœur, soit dans la langue, soit à travers les membres. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على 24 خصلة. Il dit quant aux actes du cœur, ils contiennent les croyances et et les intentions. Quand on parle de tout ce qui vient du cœur, il y a dedans ce qui relève de la croyance et des intentions. Il dit, et elles sont composées de 24 choses. Premièrement, al-iman billah, la croyance en Allah. Entre dans ça, wa yadkhulu fihi al-iman bi dhatihi wa sifatihi wa tawhiduhu bi annahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Et entre dans la foi en Allah, croire en lui, croire en ses attributs, croire en son unicité et que rien n'est pareil à lui. Subhanahu wa ta'ala, et qu'il est celui qui voit tout et entend tout. وَاعْتِقَادُ حُدُوثِ مَا دُونَهُ وَالْإِيمَانِ بِمَلَائِكَتِهِ, la foi en ses anges, وَكُتُبِهِ, en ses livres, وَرُسُولِهِ, en ses messagers, وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ, au destin qu'il soit bon ou mauvais, وَالْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, la foi au jour dernier, ويدخل فيه المسألة في القبر, et entre dans la foi au jour dernier, croire à la question qu'on va nous poser dans la tombe, والبعث والنشور, la résurrection, والحساب, le jugement, والميزان, la balance des œuvres, والصراط, le pont qui sera placé au-dessus de l'enfer, والجنة والنار, le paradis et l'enfer. Donc tout cela, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la croyance au jour dernier. Le fait de croire qu'on va avoir un interrogatoire dans la tombe, qu'on va être ressuscité, qu'on devra rendre des comptes, qu'il y aura une balance sur laquelle on pèsera nos actes, un pont placé au-dessus de l'enfer. Il y aura l'enfer, le paradis. Ensuite, wa mahabbatullah, l'amour d'Allah, wal hubb wal bughd fihi, le fait d'aimer et de détester pour lui, wa mahabbatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'aimer le prophète alayhi salat wa salam, wa i'tiqad wa ta'zimi, et le fait de croire que cet homme est l'homme le plus grand alayhi salat wa salam, wa yadkhulu fihi as-salatu alayhi alayhi salat wa salam, wa ittiba'u sunnati, et entre dans cette chose le fait de prier sur lui en disant alayhi salat wa salam et de suivre sa sunna. Ensuite, al-ikhlas. Donc là, on est en train de voir quoi depuis tout à l'heure? Nous sommes en train de voir les 24 points, les 24 branches de la foi qui sont dans le cœur. Que ceux-ci soient, ou que celles-ci soient des croyances ou des intentions. Donc il dit, wal-ikhlas, la sincérité, wa-idkhulu fihi tarkurriya, entre dans la sincérité, le fait de délaisser l'ostentation. L'ostentation qui est le fait de faire pour qu'on nous regarde. Et on ne fait pas pour Allah, on fait pour que les gens nous regardent. Et c'est une sorte d'association. Wal-nifaq, l'hypocrisie aussi entre dans, dans le fait d'être sincère, de délaisser l'hypocrisie. Ensuite, wal-tawba, le repentir. Wal-khawf, wal-raja, la peur d'Allah, l'espoir à la miséricorde d'Allah. Wal-shukr, le fait d'être reconnaissant envers Allah. Wal-wafa, le fait de respecter ses engagements. Wal-sabr, la patience. Wal-rida bil-qada, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah a décrété. Wal-tawakkul, le fait de placer en Allah sa confiance. Wal-rahma, la miséricorde. Wal-tawadu', c'est-à-dire la modestie. Wa-yadkhulu fihi, et entre dans la modestie. Tawqirul kabir, le fait de donner un respect à la personne âgée. Wa-rahmatu sagir, et d'avoir de la pitié envers le petit. Wa-tarkul kibri, le fait de délaisser l'orgueil. Wal-ujb, le fait de se plaire et de se sentir, le fait d'aimer. Al-ujb, c'est le fait qu'une personne, elle fait quelque chose et elle est étonnée par ce qu'elle fait. Moi, j'ai fait ça. Vous comprenez? Elle est étonnée de ce qu'elle fait. C'est l'orgueil. C'est une sorte d'orgueil. C'est une sorte d'orgueil. La vanité. C'est pas ça existe la vanité? Voilà, la vanité. Watarkul hasad, le fait de délaisser la jalousie. Watarkul hiqdi, de délaisser la haine. Watarkul ghadab, et de délaisser la colère. Toutes ces choses-là sont dans le cœur. On en a cité ici 24. Ensuite, wa'amalul lisan, et les actes de la langue. Watashtamilu ala sab'i khisal, et celles-ci contiennent 6 points. At-talaffudhu bit-tawhid, la ilaha illallah, le fait de dire la ilaha illallah. Wa tilawatul Qur'an, de réciter le Qur'an. Wa ta'allumul 'ilm, le fait d'apprendre la science. Wa ta'limuhu, le fait de l'enseigner. Wa ad-du'a, l'invocation. Wa ad-dhikr, l'évocation. L'invocation, c'est quand on demande à Allah une chose, et l'évocation, c'est quand on évoque Allah, comme quand on dit subhanallah, bismillah, etc. وَيَدْخُلُ فِيهِ الْإِسْتِغْفَارِ, et entre dans l'évocation, le fait de demander le pardon d'Allah. وَجِتِنَابُ اللَّغُ, et de délaisser les futilités, les paroles futiles. وَأَعْمَالُ الْبَدَنِ, ensuite les actes du corps. وَتَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ خَصْلَةٍ, et les actes du corps comprennent 38 points. مِنْهَا مَا يَخْتَصُ بِالْأَعْيَانِ وهي خمسة عشرة خصلة. Et ici ils vont citer 15. Il dit التطهر حسا وحكما, le fait de se purifier, que ce soit en accomplissant les ablutions ou bien le fait de purifier, c'est-à-dire purifier son intention, etc. ويدخل فيه اجتناب النجاسات, et entre dans cette chose le fait de délaisser les impuretés. Wasitrul awra, le fait de couvrir la nudité. Pour les hommes, c'est entre le genou du genou jusqu'au nombril, et pour les femmes, chez certains savants, c'est les parties des ablutions, c'est-à-dire que les femmes entre elles ont le droit de se découvrir ou de découvrir les parties sur lesquelles on fait les ablutions. Donc ici le cou avec la tête et le vêtement qui peut être levé jusqu'au coude et les pieds. Et les pieds. وَالصَّلَاتُ فَرْضًا وَنَفْلًا. Et donc entre dans les actes du corps la prière, qu'elle soit une prière obligatoire ou surérogatoire. وَالزَّكَاتُ كَذَلِكَ. Également la zakat. وَفَكُ الرِّقَابِ. Le fait de libérer des esclaves. والجود la générosité. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. Et entre dans la générosité de donner un repas et d'honorer l'invité. والصيام فرضا ونفلا. Et le jeûne, que celui-ci soit un jeûne obligatoire ou surérogatoire. والحج والعمرة كذلك. والطواف, les sept tours autour de la Kaaba, la circumambulation. والاعتكاف, le fait de rester à la mosquée, retraite pieuse. والتماس ليلة القدر, de rechercher la nuit du destin. والفرار بالدين, le fait de fuir avec sa religion. ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والو, et entre dans le fait de fuir avec sa religion. La hijra, qui est le fait de quitter les pays de kufr et de shirk billah pour aller vivre dans les pays où les gens sont musulmans. والوفاء بالنظر, et le fait de respecter son vœu. Lorsqu'une personne fait le vœu de jeûner, elle dit pour Allah, je vais jeûner tel jour. Elle se doit de jeûner ce jour. وتحري في الأيمان, et d'être prudent lorsque la personne jure. وأداء الكفارات, et de donner les expiations quand on commet un péché et que pour se corriger on remet une expiation. ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي ست خصال. Et ensuite ici il va nous donner six autres points. Donc six plus, il va nous donner six autres points. التعفف بالنكاح, le fait de préserver sa chasteté en se mariant. والقيام بحقوق العيال, le fait de donner à sa famille ses droits. وبر الوالدين, le fait d'être bon envers les parents. ويدخل فيه اجتناب العقوق, et entre dans le fait d'être bon envers les parents, de délaisser la désobéissance aux parents. Car lorsque les parents nous demandent de faire une chose, si cette chose n'est pas interdite, on a l'obligation de mettre en pratique cette chose. وَتَرْبِيَةُ الْأَوْلَادِ, l'éducation des enfants. وَصِلَةُ الرَّحِيمِ, et le fait de, d'entretenir le lien de parenté. وَطَاعَةُ السَّادَةِ, et d'obéir à ceux qui ont le commandement. وَالرِّفْقُ بِالْعَبِيدِ, et d'être doux envers les esclaves. Donc avant ils avaient des esclaves. Et quand on entend le mot esclave, ça ne veut pas dire les gens qu'on frappe toute la journée. Mais c'est les esclaves qui étaient des gens, ou qui étaient ou qui sont, si ça existe, Allahu alam, ça existe encore, ce sont des servants, ils appartiennent à leur maître. وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّةِ وَهِيَ سَبْعَ عَشَرَ خَصْلَةٍ. Et après il va nous donner 17 autres branches. الْقِيَامُ بِالْإِمَارَةِ مَعَ الْعَدْلِ, le fait d'être juste lorsqu'on est gouverneur. وَمُتَابَعَ الْجَمَاعَةِ, le fait de rester avec le groupe des musulmans, et donc de ne pas sortir, de s'opposer au groupe ou s'opposer aux ceux qui détiennent le commandement. وَطَاعَةُ وَلِيِ الْأَمْرِ, le fait d'obéir au gouverneur qui détient le commandement tant que celui-ci ne nous ordonne pas de faire une chose interdite. وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ, comment on dit la réconciliation entre les gens. وَيَدْخُلُ فِيهِ قِتَالُ الْخَوَارِجِ, et entre dans cela le fait de combattre les Khawarij wal-Burra, qui sont ceux qui ont combattu et tué Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْبِرِّ, et le fait de s'entraider dans le bien. وَيَدْخُلُ فِيهِ, et entre dans cela الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ, d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ, et le fait de mettre en pratique les peines de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme couper la main du voleur ou comme tuer celui qui fait la sorcellerie. Mais bien sûr ce n'est pas n'importe qui fait ça, c'est le juge. Lorsque toutes les conditions sont respectées, il est arrêté, il est jugé, et dans un pays où on applique la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jihadu, et le fait de combattre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu al murabata, et entre dans cela le fait de surveiller dans le cas où il y a une guerre. parmi les branches de la foi, lorsque le musulman est dans les limites et il surveille l'arrivée de l'ennemi. Wa ada'ul amana, et le fait de le dépôt, comment on dit, le fait de respecter le dépôt qu'on nous donne. Wa minhu ada'ul khumus, et entre dans le fait de respecter le dépôt qu'on nous donne, le fait de donner un cinquième. Et ici il parle du butin, car parmi les règles, lorsque les musulmans prennent un butin de guerre, d'en donner le cinquième au prophète alayhi salatu wassalam. Wal-qard ma'a wafa'i, le fait d'être honnête et de rembourser quand on a emprunté. Wa ikramul jar, le fait d'honorer le voisin. Wa husnul mu'amala, et le fait d'avoir une bonne conduite envers les autres. Wa fihi jam'ul mal, et entre dans ça min hillihi wa infaqul mal fi haqqi. Et ça, on parlera de ça la semaine prochaine, inshallah. Wa yadkhulu fihi tarku at-tabdhir wal israf, entre dans ça le fait de ne pas faire du gâchis, de ne, en fait, quand il dit d'avoir une bonne conduite envers les autres, ensuite il dit le fait de bien utiliser l'argent, le fait de bien utiliser l'argent, de le prendre correctement, de le dépenser correctement, et entrant dans cela l'interdiction de faire du gâchis ou d'être avare, l'interdiction partant de faire du gâchis quand on dépense l'argent. Donc toutes ces choses là font partie des branches de la foi. Wa raddu salam, et de rendre le salut. Wa tashmitu al-'atis, et le fait de dire à celui qui éternue après qu'il ait dit alhamdulillah de lui dire yarhamukallah. Wa kaffu al-adha 'anil nas, et le fait d'épargner les gens du mal, donc de ne pas faire de nuisance aux gens. Wa ijtinabu al-lahw, et de délaisser les futilités. Wa imatatu al-adha 'anil tariq, et le fait de délaisser d'enlever de la voie ce qui va gêner. Fa hadhihi 69 khasla, donc tout ce qui vient d'être cité ici fait le total de 69 branches. ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم. Et on peut les compter 79 si on les, j'avais vu des fois quand on a parlé, on a dit entre dans ça le fait de faire telle chose, telle chose. Si on les compte sans compter celles qu'on a fait entrer, eh bien on en aura combien? On en aura 69. Et si on compte également celles qu'on a énumérées quand on a dit entre dans ça telle et telle chose, on aura un total de 79. Donc c'est une bonne chose que ces savants ont fait, mais encore une fois, dire que le prophète alayhi salam visait exactement celles qui ont été citées ici par ces savants, on a besoin d'une preuve pour faire cela. Mais toutes ces choses-là font bel et bien partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.